à Marseille, c'est si sex and sun. Mais sans vous, y'a pas de sun, c'est ni de fun. Ici, trop de filles sexy n'en veulent qu'à ton butin. Et cherche une fille bien, pas une putain. En France, les mecs cherchent des filles bien pas des sous-sous. Les misses qui n'en veulent qu'à tes sous, faut les remplir de bijoux. Elles croient quoi? Connais-vous? J'irai pas pourrir autre ou pour une moine amchée. Faut pas se fâcher, dans la vie j'ai trop craché. Peut-être que je fais un cliché, je pense quand même qu'à des filles bien aux centaines. Putain, faut qu'elles sachent qu'un mec c'est pas un cap. On peut être brave, faut pas dégrader la situation, parce que là ça devient grave. De l'agneau, on peut devenir loup. Plus personne ne répond rien du tout. Faut pas en venir au coup, c'est pas joli, joli. Les filles restent polies, on a toute la vie pour aimer. Vaut mieux tout calmer, arrêtez de mentir. Essayez d'unir nos cerveaux, repartir à zéro. Vous dire ça c'est trop, comment expliquer? Faut vivre au jour le jour, c'est si sex and sun. Faut que ça reste fun, t'accroches à tes gueules. J'en ai vu souffrir plus d'un, avec la plus belle défaite. Chérie, je t'adore, je suis en 7 à ce moment précis. Comment tu fais, tu te casses ou t'assumes? Des fois ça réussit, mais si jeune, trop de soucis. Pas tout, comment tu survis? On dit pas d'amour et d'eau fraîche pour ma génération. C'est la dèche, des grosses histoires d'amour assez. On aimerait se caser avec une fille bien à Marseille. C'est si sex and sun, mais sans sou, y'a pas de sense ni de fun. Ici, trop de filles sexy n'en veulent qu'à ton butin. Et cherche une fille bien, pas une putain. À Marseille, c'est si sex and sun, mais sans sou, y'a pas de sense ni de fun. Ici, trop de filles sexy n'en veulent qu'à ton butin. Et cherche une fille bien, pas une putain. Non mais je suis pas celui qui va te maquer, te payer tes marques et braquer, me faire saquer quand je pourrais pas raquer. FF ça charme, pas pour le fric. Représente hip-hop de rue Sainte-Minique à Marseille. Y'a le soleil mais ça nous fait pas manger. La plage n'adoucit que les gosses enragés. L'été âgé de la vingtaine sans travail comme pas mal. On mate des bombes, on plane sous bombe et bob banal. Qu'est-ce tu veux que je te dise? Ici c'est la crise, les filles t'expertisent. Si tu payes ta tease ou bien te méprises. Attiré par la convoitise, jeune et ambitieuse. Est-ce pour moi ou le chéquier qu'elle se montre aussi chaleureuse? Profiteuse, t'es mal barré. Bad boy m'a pas rapporté assez de quoi me marier. Tu sais ici c'est toujours aussi sec, même sous le sun. Seul la BFF savent nous procurer le seum. À Marseille, c'est si sex and sun. Mais sans sous, y'a pas de sense ni de fun. Seul la BFF savent nous procurer le seum. À Marseille, c'est si sex and sun. Mais sans sous, y'a pas de sense ni de fun. Seul la BFF savent nous procurer le seum. La caillasse dans la poche, j'embarque une bouteille de rhum, un bout de pollen. Trois belles sirènes en pleine force qui m'amènent prendre peine minuit dans une crique déserte. C'est beau de rêver mais la clé c'est le fric, pas de porte ouverte. Où va le monde? Tant de misérables se morfondent. Dieu soit loué, on n'a pas grand chose mais on garde une voix profonde. Ça personne peut nous l'enlever, on vient prélever notre dû. Les grèves veulent s'élever au-dessus de la mer. Vu en premier honoré père et mère comme il se doit. Mais l'argent vient pas en claquant des doigts, ça fume, ça boit. Le soir dans les coins obscurs, pas beaucoup d'espoir. En tout cas pas besoin de cure, tu peux me croire on est mûr. Pour récolter les fruits de notre rap brillant, dur et furieux. Regarde les ennemis fuyant, nerveux, instépathique. De la famille infâme dans ton Walkman. L'argent, la boisson, la fumée, les femmes. Avec 11 francs, des bonnes grâce aux bières fines. Au soleil on bronze, les yeux on viole les gonces. Claire c'est bien fini, sous défense l'enfer se vit quand même. Donc on aime ça chez FF. Blonde bump, massa, en BFBZ. L'avenir de rêve est devant, caché derrière le béton. Faut rester encore vivant pour toucher des façons. Payer une casa à la famille. Projet de toujours, même pendant les périodes de famine. Une femme ça m'intéresse, mais de nos jours, trouver une sainte, c'est impossible frérot. J'irai chercher ma reine loin, chez les Esquimaux. Comme dit Nougaro, tu verras. Des riches chez nous, y'a pas ça, c'est sex and sun. J'mens pas, c'est pas ça. On sème la merde partout, entre nous on sème. C'est simple, si tu fais de même, alors ça. Faut tenir le coup, c'est dur, mais ça va venir. L'ami, de quoi je parle, devine, devine, l'ami.